Alors, bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Amandla sur les ondes de CKUT 90.3. Nous allons maintenant parler du dossier de l'industrie minière au Canada avec la publication du livre Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale. Avec moi en studio, j'ai Alain Deneau, qui est l'auteur, l'un des co-auteurs du livre avec William Sacher. Alain Deneau est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Il est aussi l'auteur du livre Noir Canada, qui a fait couler beaucoup d'encre avec suite à une poursuite de Barrick Gold. Il est également l'auteur de Offshore et de Faire l'économie de la haine, publié aux éditions Éco-Société. Également avec nous en studio, Jean-Philippe Marquis, qui est un étudiant, un gradué en journalisme de l'Université Concordia, qui revient d'un séjour au Katanga, au Congo, et donc qui va nous parler également de son séjour au Congo. Donc bonjour à vous deux. Bonjour. Bonsoir. Alors Alain Deneau, on va commencer avec ce livre. En fait, j'ai envie de commencer par des ça couvre beaucoup de terrain. Donc en fait, je voulais également, oui, je voulais lire le quatrième de couverture parce que je pense que j'ai pas trouvé une meilleure façon de résumer ce qui est dans ce livre. Alors Alain Deneau et William Sacher retracent l'histoire du Canada et expose comment cette ancienne colonie est devenue le paradis réglementaire et judiciaire d'une industrie évoluant hors de tout contrôle. Pillage, expropriation violente de populations, pollution durable de vastes territoires sont le lot des pays qui subissent les méthodes de cette industrie aveuglément tournée vers le profit. La Bourse de Toronto se révèle le pilier de ce système où s'enregistrent 60% des sociétés minières mondiales, des entreprises protégées par des politiques serviles. J'aimerais que vous me parliez de, en fait, comment le Canada est devenu justement ce paradis pour l'industrie minière, les grandes lignes. Quant à l'histoire de ce paradis judiciaire et réglementaire du secteur extractif mondial, on doit se rappeler que le Canada et le Québec est une colonie. Très souvent, depuis Pearson et Trudeau, disons, on a tendance à penser que, à l'origine, nous avons formé une grande nation, et ce n'est pas le cas. Je veux dire, au départ, le Canada était, un territoire voué, dont les institutions favorisaient l'exploitation et le pillage des ressources naturelles, donc les céréales, la fourrure, éventuellement les mines. Et les institutions qui sont les nôtres aujourd'hui sont le legs de cette époque. Hein. Non seulement les institutions publiques, mais aussi les institutions financières comme les bourses de Toronto ont favorisé le développement du capital à la fin du 19e siècle et continuent de le faire aujourd'hui, mais aussi un certain nombre de vestiges législatifs comme nos codes miniers. Bon, donc il faut voir que notre pays a été une colonie. À partir des années 1990, cette colonie-là, en quelque sorte, s'est offerte à l'industrie minière mondiale. C'est-à-dire que à la faveur de la mondialisation économique, on a permis aux différentes entreprises minières du monde de s'enregistrer au Canada, de jouir de notre cadre législatif, réglementaire, boursier, fiscal, outrancièrement avantageux pour l'industrie minière, de façon à ce que les industries qui s'enregistrent ici bénéficient de ce cadre-là à l'extérieur de nos frontières. C'est comme ça que je résumerais notre histoire. Et justement, j'ai appris que, en fait, ça remonte au début de la bourse de Toronto, là, qu'est-ce qui est devenu la bourse de Toronto, le TSX. Oui, effectivement, c'est qu'à la fin du 19e siècle, il y avait trois bourses, en fait, à un moment donné, à Toronto, mais il y en a eu deux principales, une bourse des mines, puis le TSX, qu'on appelait le TSE à l'époque, là, qui existait également. Les deux bourses ont fusionné. Et ce qu'il faut voir, c'est que dès le départ, les bourses de Toronto étaient vouées entièrement à la spéculation. C'est-à-dire qu'on permettait à des sociétés qui prétendaient avoir acquis des gisements prolifiques de faire valoir leurs titres sur les marchés financiers sans aucune forme de réglementation rigoureuse en ce qui concerne la divulgation de l'information. Évidemment, au fil des années, les choses sont un peu améliorées, mais il reste qu'aujourd'hui, Toronto est un point boursier mondial plus permissif que d'autres s'il s'agit de faire valoir ses actifs géologiques auprès des marchés. Et ce qu'il faut voir, c'est la conjonction de critères qui font du Canada ce paradis judiciaire et réglementaire dans le secteur extractif mondial. Il y a un problème qui relève de deux ordres. Hein. Le premier, c'est qu'on a affaire aujourd'hui, en 2012, à une industrie minière qui est lourdement controversée. Son dossier éthique et environnemental est chargé. on parle de pollution, d'atteinte à la santé publique, de collusion avec des seigneurs de guerre, de partenariat économique avec des dictatures, d'évasion fiscale, de trafic d'armes, de tout ce qu'on peut imaginer de plus terrible là, concerne l'industrie minière quand on lit la documentation internationale qui la concerne, l'ONU, les rapports d'organisations civiques, les rapports parlementaires, ainsi de suite. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que trois sociétés minières sur quatre sont canadiennes. 75% des sociétés minières mondiales sont ici. Alors qu'elles exploitent pas ici. Je veux dire, en Ontario, il y a à peine 43 mines. Il y a 1600 sociétés qui sont enregistrées. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'enregistrent ici. Elles viennent d'Australie, de Belgique, de Suède, d'Israël, des États-Unis. Elles s'enregistrent ici pour exploiter des ressources, des minières qui sont pas ici, mais qui sont au Congo, en Zambie, au Mali, au Chili, en Argentine, en Équateur, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Roumanie, ainsi de suite. Et donc, notre État sert à quelque sorte de parapluie judiciaire, financier, fiscal, réglementaire pour cette industrie-là. En un mot, je finis peut-être juste mon résumé en une phrase, là. Les sociétés viennent ici, elles s'aperçoivent qu'elles peuvent spéculer à la bourse plus facilement qu'ailleurs parce que les modalités de divulgation de l'information sur les marchés sont lâches, plus qu'ailleurs. Aux États-Unis, on peut moins facilement faire miroiter aux marchés financiers, au fond, des gisements prolifiques qu'on aurait, là. Il y a des mesures restrictives. D'une part, on peut facilement attirer des capitaux parce qu'il y a des mesures fiscales qui incitent les investisseurs à placer leurs actifs spécifiquement dans le domaine des mines. Ensuite, on peut, à l'étranger, plus facilement piller les ressources lorsqu'on est canadienne que d'ailleurs, parce que la diplomatie canadienne prend fait et cause pour l'industrie minière dans les pays du Sud. Et ensuite, quand ça se passe mal, quand il y a des cas d'abus, voire de crimes, des cas de corruption, quand on est dans un état où ça chauffe, hein, où il y a des tueries, où il y a des conflits, à ce moment-là, il y a une couverture judiciaire ici. Ouais. Il devient très difficile de poursuivre les sociétés ici pour ce qu'elles ont fait à l'extérieur. Et c'est ce qui résume un peu le portrait. Oui, justement, j'avais noté ça. Il y a même quelque chose qui est prévu qui assure l'investissement. Exportation et développement au Canada, je pense qu'il assure les investissements même en cas de... Exportation et développement Canada est une organisation publique qui assure les sociétés, notamment en cas de conflit, quand ça se passe mal. Il y a une police d'assurance qui est offerte par le gouvernement fédéral. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, plus personne ne se soucie du sort des populations du moment qu'on est immunisé comme ça. Oui. Je voulais vous relancer aussi sur justement cette impunité quasi total. Vous dites il est quasi impossible de poursuivre au civil ou au pénal des Canadiens ou des entités canadiennes qui auraient commis à l'étranger des méfaits graves ou des crimes. Donc en fait le Canada se limite à une vision territoriale très très stricte et ne fait rien pour que des Canadiens qui sont impliqués aux criminels ailleurs dans le monde puissent être jugés. Effectivement, le Canada a une très très bonne réputation. Et ce qui est fascinant, c'est de voir l'écart abyssal qu'il y a entre sa réputation, sa bonne réputation comme État pacifiste jusqu'à la moelle, ami du genre humain, défendeur des casques bleus, et ainsi de suite, d'une part, et d'autre part, son vrai bilan, quoi. Et cet écart-là lui permet de donner au monde l'impression que si des sociétés s'enregistrent chez lui, il va les encadrer. C'est une grande démocratie exemplaire, c'est sûr, donc il va les encadrer, mais il les encadre pas, il les couvre. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que, au fond, ce que l'industrie minière comprend, c'est que si elle s'enregistre au Canada, elle ne se fera pas poursuivre pour ce qu'elle aurait commis à l'extérieur des frontières. Pourquoi elle se fera pas poursuivre? Tout simplement parce que dans notre jurisprudence, au civil, les tribunaux ont tout à fait tendance à dire aux demandeurs, aux gens qui réclament des réparations, ces populations-là ont été lésées au Congo, elles ont qu'à essayer d'obtenir réparation au Congo, si ça a été en Tanzanie et qu'elles aillent en Tanzanie, au Chili, ainsi de suite, alors qu'on sait très bien que tout est fait avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, ainsi de suite, pour démanteler ces États-là, pour que le droit ne s'applique pas, en tout cas, au bénéfice des populations. Donc, c'est ça c'est aux civils et aux criminels. Il faut l'aval du ministre fédéral de la Justice pour enclencher une procédure dans des cas d'ailleurs gravissimes et très précis. Donc, aussi bien dire que la distinction des pouvoirs là, entre le judiciaire et l'exécutif n'est pas au rendez-vous chez nous. Un des documents qui est probant en la matière, c'est le Oxford Pro Bono Publico, qui est un rapport émis par un groupe de recherche en droit à Oxford qui concerne notamment le Canada et dans lequel on se demande comment il se fait qu'il soit aussi anormalement difficile au Canada de poursuivre au civil une société pour ce qu'elle aurait commis à l'extérieur des frontières du pays. On s'en étonne jusque-là. Oui. J'aimerais qu'on parle un peu des sources et puis amener Jean-Philippe peut-être dans la conversation, dans la discussion. Dans le cas de Noir Canada, justement, il y a eu beaucoup de critiques comme quoi, c'est pas la question que je vais poser. En général, les médias canadiens ont plutôt tendance à dire les sources ne sont pas fiables, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe à l'étranger, c'est difficile de savoir, il y a peu de gens qui vont sur le terrain de l'industrie minière. J'aimerais que vous parliez. Il y a un journaliste très sérieux, entre guillemets, de Rouyn-Noranda qui me disait récemment que j'avais pas de preuves. J'y disais, en tout cas, il y a un fait. Et quant aux preuves, d'abord, il y a des causes qui ont été entendues en justice, d'une part, parmi le lot de cas qu'on peut évoquer, de cas d'abus, voire de crimes commis par des sociétés canadiennes en Afrique. Il y a des cas qui sont avérés du point de vue du droit lui-même. Bon, d'une part. Mais d'autre part, il y a un fait. Mmh. Et le fait, c'est quoi? C'est l'existence même d'une documentation internationale crédible portant sur des cas d'abus, voire de crimes allégués. Et ça, c'est une donnée, disons, qui est au moins sociologiquement intéressante. Ça se peut pas que des acteurs qui parlent dans des langues différentes, qui agissent dans des corps de métiers différents, dans des organisations différentes, sur des continents différents, d'une manière, que ces gens-là erraient en même temps et se tromperait de la même manière sur l'establishment canadien. Là. À moins qu'on croit au malin génie de Descartes ou qu'on soit dans la théorie du complot, on peut pas penser que ces gens-là, à l'unisson, médisent sur l'establishment canadien pour le plaisir de la chose. Donc, il y a bien quelque chose de probant là. Il y a un problème systémique parce qu'on retrouve à peu près les mêmes acteurs tout le temps, les mêmes problèmes, les mêmes abus, les mêmes rouages et les mêmes logiques. Donc là, il y a un problème. Cette documentation-là, elle devrait conduire à l'administration de la preuve, d'abord par une commission d'enquête indépendante qui ferait la lumière sur bien des cas avec une force légale là, pour obtenir des documents puis pour forcer l'intervention de témoins, quoi, d'une part, et éventuellement des procédures judiciaires en bonne et due forme pour condamner les populations. Puis là, il pourrait y avoir des programmes de réparation, des excuses publiques auprès des populations, les instituts. On peut l'imaginer. Mais déjà, il y a une documentation probante et c'est intéressant de relever que ces documents qu'on a constituent vraisemblablement la pointe de l'iceberg, parce qu'il est très difficile d'enquêter en Afrique. Je veux dire, tous les documents qu'on a lus, même les experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU disent à un moment donné, on a atteint tout ce qu'on pouvait faire dans la limite de nos moyens. Et puis là, ce sont quand même des gens qui sont dépêchés par l'ONU, là, et on dit aux États, continuez maintenant, prenez le relais, encadrez vos sociétés, faites des enquêtes sur elles. Ce sont les experts de l'ONU qui parlent, parce que nous, à ce stade, on ne peut plus continuer. Donc, imaginez un chercheur indépendant de Montréal ce qu'il peut faire. Bon. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il est difficile d'obtenir ces informations-là. On en a quand même énormément. Et c'est donc la pointe de l'iceberg. S'il y avait des enquêtes, en profondeur qui étaient menées d'une manière exhaustive, on aurait sans doute un portrait ténébreux. Oui, et les sociétés sont expertes pour déjouer tout ce qu'on peut dénoncer contre elle souvent. Jean-Philippe Marquis, je veux rappeler que vous êtes à l'écoute de l'émission Amandla sur les ondes de CKUT 90.3. On parle de l'industrie minière canadienne avec la publication du livre Paradis sous terre d'Alain Deneau et de William Sacher. J'ai avec moi Alain Deneau et également Jean-Philippe Marquis qui revient du Katanga en République démocratique du Congo. Alors, parlez-moi un peu du but de votre séjour là-bas. Vous êtes allé voir ce qui se passait au Katanga, c'est le château fort là, de l'industrie minière. Oui, une région située au sud-est du Congo, qui est à peu près de la taille, peut-être la moitié de l'Europe, qui est immensément riche en cuivre, en cobalt et autres minéraux. Lorsqu'un petit peu moins, disons, en or, et l'or est plus situé au Kivu, mais en termes de cuivre, c'est peut-être une des régions les plus riches au monde. Et moi, j'ai lu le livre Noir Canada et d'autres sources via mes études à Concordia. C'est ça qui vous a amené là? Oui, j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait sur le terrain. Donc, j'étais supporté par une petite ONG dans laquelle j'enseignais la radio et la vidéo. Eux, ils m'ont aidé pour les déplacements et tout. Une ONG au Congo, là. Oui, une petite ONG qui s'appelle Kanyundu, qui est vraiment minuscule. Puis que... quand même, qui m'ont aidé énormément parce que se déplacer au Congo dans cette région du pays, c'est extrêmement problématique. Puis là, c'est une des principales un des principaux problèmes lorsqu'on est un journaliste ou un chercheur indépendant, c'est vraiment se déplacer sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de route pavée, il n'y a pas vraiment de système de transportation publique, les trains, on n'en parle pas. Donc il faut une Jeep privée. Puis l'essence coûte cher. Ouais, l'essence coûte à peu près 3 à 4 $ du litre dans les régions un peu plus éloignées. Donc il faut vraiment une Jeep avec un chauffeur, un mécanicien pour se déplacer. Puis là, moi je pouvais bien sûr pas me permettre la Jeep, là, c'est que je faisais ça en moto. Et qu'est-ce que vous avez vu ou quels sont les témoignages que vous avez pu entendre? Mais comme puis avoir accès au site de ces grandes compagnies là c'est compliqué, et lorsqu'on essaie de les contacter, eux ils savent à quel point que c'est difficile pour les journalistes qui se rendent sur le terrain. Mm-hmm. Ils savent qu'on notre temps est compté là, et ils savent que nos moyens sont limités, donc et ils n'aiment pas les journalistes, ça, à la base. Lorsqu'on mentionne le mot mine ou recherche sur les minières, les portes se ferment. Et lorsqu'on mentionne par-dessus ça caméra et images, là, c'est les doubles portes se ferment. Donc, il faut être armé de tous les papiers au monde, les autorisations. Puis vraiment faire de recherche, c'est un peu comme je disais tantôt, la maison dans Astérix et les 12 travaux. Là, on te renvoie d'une porte, on te renvoie d'un endroit à l'autre. Et les compagnies évoluent, sont totalement indépendantes, sont dans leur coin, disons, de la savane ou de la jungle. Mm-hmm. Et sont indépendants en termes de nourriture et en termes de transport. Et ils ont pratiquement aucun contact avec la population des environs. Et donc, ils n'ont pas vraiment de compte à rendre donc, avec la population congolaise. Donc, ils sont vraiment rois et maîtres dans leur univers. Là. Ils sont totalement indépendants. Donc, eux, ils n'ont aucun intérêt, en fait, à... Oui. Mais quel écho avez-vous eu de la population? Peut-être vous pouvez nous parler d'un cas ou de certains témoignages là, que vous avez entendus? Ouais, comme je disais, c'est des populations qui vivent sous des mines d'or et avec qui ont en fait des pylônes électriques qui leur passent par-dessus la tête. Ouais. Est-ce que c'était des mines canadiennes qui étaient là? Je me suis rendu, j'ai essayé de me rendre sur le site de First Quantum, okay. qui est canadienne. C'est une des grosses, là. Ouais, ça c'est une des grosses, mais maintenant qui s'est retirée totalement du Congo. Et justement, comme avoir accès au site a été pratiquement impossible. Donc, une fois que je me suis rendu compte à quel point c'était difficile d'avoir des contacts avec les sociétés dont plus établies, je me suis rabattu sur l'industrie minière artisanale qui prend énormément de place au Congo. Donc ça, j'ai pu descendre dans les mines et avoir des images, des témoignages. Parce qu'au Congo, on estime à 2 millions le nombre de creuseurs dans l'ensemble du pays. Et si on compte que chaque creuseur fait vivre, disons, 4 ou 5 personnes, qui est sa famille ou les femmes, mais c'est quelque chose comme 20% du pays, en fait, qui vit du travail des creuseurs et qui est non négligeable, parce que c'est souvent leur minerai qui est creusé vraiment à la pelle et à la pioche, qui se retrouve dans les fonderies des compagnies plus établies. Mm-hmm. Donc, et c'est extrêmement difficile, en fait, de retracer le chemin entre la mine et la fonderie ou l'entreprise principale. D'accord. Mais donc, en fait, les gens essayent d'en tirer des bénéfices. J'imagine qu'ils ne sont pas tellement... En tout cas, je sais qu'en Afrique, contrairement à l'Amérique latine, ils ne sont pas tellement organisés pour dénoncer l'industrie... dans les endroits où il y a l'industrie minière qui est proche, là. Mais le truc, c'est que souvent, les gens, ils veulent... ceux qui en bénéficient, ceux qui travaillent dans les entreprises, bien sûr, ils veulent pas les dénoncer parce que c'est leur source de gang-pain. Donc, t'as vraiment ces deux populations-là. T'as ceux qui travaillent dans l'entreprise, ils vont en fait encenser la présence des entreprises, ils vont être contents qu'ils soient là, mais ceux qui sont à côté, ceux qui n'ont pas de travail, eux vivent seulement les conséquences négatives, comme que ce soit de l'environnement, la destruction de leurs champs, la pollution des cours d'eau. Donc ceux qui ont du travail sont bien contents que les entreprises sont là, puis ils veulent vraiment pas les dénoncer, mais ceux qui n'ont pas de travail, c'est eux qui subissent les conséquences, en fait. Oui, merci Roberto. En fait, la question un peu que tout le monde se pose, mais qui est très simple, c'est tout cela vous amène à quelle réflexion par rapport à l'industrie minière dans ces pays-là? Est-ce qu'il s'agit de défendre une meilleure réglementation dans nos pays, ou bien est-ce que vous pensez que ce modèle extractiviste fondé sur l'extraversion ne profite pas seulement aux pays africains, mais à quel type de réflexion cela vous amène par rapport au modèle de développement que devraient préconiser ces pays, et dans une optique de solidarité surtout de notre société par rapport justement à ces pays-là que nous devrions quand même avoir à cœur dans une optique justement de solidarité internationale? Vers quoi ça, quelles seraient les alternatives les plus, peut-être pas, enfin, sur lesquelles nous aurions quelques leviers à tout le moins? Ben, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on parle des mines ou d'autres enjeux. Je fais seulement un clin d'œil, là, mais par exemple à la dette publique. Ouais. On en parle toujours au singulier, en fait. Tout à fait. Même quand on dit les mines au pluriel, mais on pense toujours à l'industrie minière comme étant une seule, étant exclusive. Qu'est-ce que ça veut dire extraire du minerai? Les diamants, c'est pas l'or, l'or, c'est pas le cuivre, ainsi de suite. Les enjeux sont différents. Le cobalt, le coltan, ainsi de suite. Mm-hmm. Extraire de l'or, par exemple, là, dans les pays du Sud, c'est une pure folie. L'utilité, au fond, sociale de l'or est très restreinte, je veux dire, à part pour les bijoux puis les réserves c'est de banque centrale. C'est tout le débat sur la valeur d'usage versus la valeur d'échange. Exactement, on renvoie au philosophe de Trèves. Mais, Marx, en l'occurrence. Oui, nommons-le. Mais... Ouais. En effet. Donc à ce moment-là, on pourrait dire, bon, dire l'or, l'uranium, par exemple, sont des métaux qu'on ne devrait pas chercher à extraire parce qu'ils sont, ils sont très problématiques en termes sécuritaires. Donc, très souvent, les mines d'or sont dans des endroits où il y a des tensions. Bon, c'est une coïncidence géopolitique et géologique, là, d'une part, mais d'autre part, c'est une extraction qui est très polluante. On utilise beaucoup d'eau, énormément d'eau. Vous pouvez imaginer ce que ça représente en Afrique. Là, c'est des centaines de litres d'eau à la seconde qui sont utilisés pour extraire de l'or. On utilise du cyanure, c'est très polluant. C'est une folie. Pour les autres métaux qui sont plus utiles, comme le cuivre, on parlait de Jean-Philippe Marquis, là, par rapport au Katanga, là, on peut se dire, bon, le cuivre, c'est plus intéressant au moins parce qu'il y a une valeur d'usage justement pertinente. Mais est-ce qu'on n'en est pas quand même au stade où des techniques comme celle du recyclage ne devraient pas être mises au goût du jour, plutôt que toujours ces logiques extractives qui, à un moment donné, toucheront à leur fin, c'est bien évident. Mais il y a un problème au-delà de ça, c'est que quand on pense au Canada comme pays par rapport à cette industrie minière mondiale, là, on se rend compte que c'est un pays qui favorise beaucoup la spéculation avant même l'extraction ou même l'exploration. C'est-à-dire que comment ça fonctionne à Toronto? Hein? Une société, par exemple, London ou First Quantum Minerals, par exemple. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans chaque cas, là, mais une société comme elle, mm-hmm. hein, qui était présente au Congo, hein, pourra, à un moment donné, obtenir une concession en temps de guerre. Hein. On est, disons, en 1998, et la société à laquelle je pense obtient une concession de cuivre prolifique. Selon un cabinet de géologues indépendants, on dit, voilà, la concession vaut 1 milliard de dollars en ressources puis, disons, 750 millions en réserves. C'est ce qu'on peut vraiment extraire ou ce qu'on prétend extraire. Mm-hmm. Bon. La société n'a même pas à creuser une pelletée de terre pour que déjà son titre boursier augmente. Et sur la base de cette annonce-là, on va avoir des gens qui vont devenir millionnaires simplement parce qu'on il y a aucune. Souvent, les preuves sont complètement bidons. Ben, c'est un cabinet indépendant qu'on est libre de croire ou pas par rapport à une réglementation sur l'autorégulation, quoi, des mesures volontaires, des prétentions à l'indépendance, bon, tout ce qu'on peut imaginer là, relevant de la bonne gouvernance. Puis. C'est ce qui fait que, au fond, très souvent, j'aime bien l'image là, de Jean-Philippe, là, savoir que les populations, en fait, ont de l'or sous les pieds, des câbles électriques au-dessus de leur tête, et voient passer des richesses à côté d'elles sur lesquelles vous ne les voient pas passer, mais en tout cas, vous voient bien qu'on spécule sur des richesses qui sont sous leurs pieds, sans pour autant qu'ils touchent leur dû. Jean-Philippe, vous revenez de la République démocratique du Congo. Le Congo, on peut dire carrément les choses dans ces termes, c'est un scandale géologique. C'est un pays, depuis une quinzaine d'années, il y a une guerre, un nombre de morts considérable. Comment voyez-vous, par exemple, la couverture que nous faisons sur tous ces enjeux ici? Vous qui êtes documentariste, vous avez le souci d'informer l'opinion, vous avez le souci donc de dévoiler pour l'opinion tous ces enjeux. Comment, quelle est votre opinion par rapport à la couverture qui se fait dans nos médias sur tous ces enjeux? Et je vais relancer Alain tout de suite après, parce qu'il y a toute une section aussi dans le livre sur, justement, sur dans le milieu académique, la propagande qui entoure l'industrie minière canadienne. Oui. Ben, premièrement, il y a peut-être, en termes de quantité, c'est extrêmement limité, ce qu'on entend à propos du Congo et de l'Afrique en général. Comme moi, j'étais là pour une durée de 6 mois, et durant les 6 mois, j'ai rencontré un seul journaliste, un photographe d'agence France Presse, qui était là durant les élections. Mais c'est extrêmement limité le nombre de personnes qui s'intéressent et qui se rendent sur le terrain pour faire des recherches pour les difficultés que j'avais mentionnées auparavant. Et c'est souvent c'est les mêmes sujets. Lorsqu'on entend parler, disons, du Congo, on va entendre parler genre des gorilles, un peu des viols et des mines aussi, ça vient en troisième. Et souvent les mêmes régions. Donc c'est souvent les régions du Kivu, sur des régions qui sont proches du Rwanda où il y a plus d'ONG et tout. Donc, parce qu'il y a tellement de sujets qui sont graves, comme lorsqu'on parle du viol et de la guerre, ça vient. C'est beaucoup plus intéressant pour le commun des auditeurs que, disons, de parler de scandales géologiques. Alors, lorsqu'on entend parler du Congo, on veut entendre parler justement de. Pourtant, ça. Au niveau des institutions internationales, je vais redonner la parole à Alain après. La question se pose, celui d'entre vous qui voudrait répondre. Il y a un rapport de l'Organisation des Nations Unies qui a été établi. C'est le fameux rapport Mapping. Alors, qui documente quand même les circuits affairistes. On parle d'élites prédatrices dans ce rapport. On va pas jusqu'à parler de génocide. On parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Et pourtant, donc, là, on aurait matière, si vous voulez, à interpeller ou en tout cas à mobiliser. Il y a là quelque chose sur lequel on peut prendre ancrage. On vit, si vous voulez, d'aller un peu plus loin sur cette question. Alors, Alain, là-dessus, qu'est-ce que... Et puis, sur la question également de Roberto par rapport au milieu intellectuel sur ces enjeux. C'est vrai qu'on parle très, très peu du Congo dans nos médias, si ce n'est que dans des cadres stéréotypés, parce que nos médias fonctionnent selon une économie du feuilleton. C'est qu'en fait, quand un sujet ou une personne intervient suffisamment fréquemment dans les médias, on se rend compte que c'est vendeur parce que les gens font les liens. On n'a pas à présenter la personne. Alors, on entre dans un feuilleton. Donc, la question des viols dans l'Est du Congo, c'est un feuilleton. C'est très important, évidemment. C'est éminent. Mais on ne cherche pas à contextualiser la chose. Quant aux médias, là aussi, sur le Mapping Report, là, le rapport de 2011 de l'ONU faisant un peu le bilan des qui est d'ailleurs disponible sur le site du Conseil de sécurité. Hein. Oui, tout à fait, c'est un document public. Bon, pourquoi un tel document ne fait pas l'objet d'une couverture d'envergure dans nos médias, alors même que les sociétés canadiennes y sont citées. Hein? Barrick Gold notamment. Pourquoi? C'est une bonne question. C'est une question qui reste ouverte. C'est-à-dire que nos médias sont sensationnalistes. On aime parler d'un carambolage, on aime parler de quelqu'un qui gagne à la loterie, on aime parler d'une tuerie dans un village, on aime parler de... Il me semble que 5 millions de morts dans un conflit qui dure, quoi, 4 ans, c'est spectaculaire, non? Pourquoi tout d'un coup on cesse de s'intéresser à un sujet comme ça qui, pourtant, pourrait nourrir le sensationnalisme des médias? C'est que les médias, tout sensationnalistes qui sont également idéologiques et ils sont pas nécessairement sensationnalistes en tout. C'est-à-dire que tout sensationnalisme ou tout objet pouvant alimenter la poétique du sensationnalisme n'ont pas, en quelque sorte, droit à la couverture. Donc, ça, c'est une des raisons. Et je pense que, on sait très bien que les groupes, par exemple, qui détiennent les médias, ont aussi des parts dans l'industrie minière. Hein. Je veux dire, Brian Mulroney, par exemple, siège chez Québecor. Paul Desmarais, on sait qu'il est roi et maître chez Jessica et chez Power Corporation. Et les deux étaient, dans les années 1990, membres du Conseil consultatif international de Barrick Gold. Donc, on voit très bien que ce sont quand même les mêmes acteurs qui sont détenteurs de capitaux, actionnaires de sociétés minières et actionnaires de domaines médiatiques. Alors, Jean-Philippe, peut-être quelque chose. Oui, Jean-Philippe. C'était quoi la question? Un commentaire rapide. Oui. Mouloud. D'accord. Alors, je pense qu'on, malheureusement, on va passer à la prochaine entrevue qui s'en vient, puisque je suis sûr que Mouloud est impatient de commencer cette entrevue. Alors, je vais vous remercier, Alain Deneau et Jean-Philippe Marquis. Alors, je rappelle qu'Alain Deneau, avec William Sacher, est l'auteur, sont l'auteur du livre Paradis sous terre, comment le Canada est devenu la plaque tournante de l'industrie minière mondiale qui vient de paraître aux éditions Éco-Société. Et je vous remercie à tous les deux d'être venus en studio. Merci. Et à une prochaine. Merci.